Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, on déballe des CD. C'est tout ce qu'on fait, tu sais, on a une paire de ciseaux, mettons, puis on coupe du plastique, c'est notre job. C'est vrai. Donc, on a pas mal de choses en francophone cette semaine. On va entendre de la musique cheap de la part des Cheapettes. Aussi, avoir Marie-Pierre Arthur, le nouvel album de Karl-Éric Hudon contre le tien, Anana Bungalow. Celui de Madame Moustache au nom du country. Hein? Une nouvelle pièce d'Éléphantine qui va être adorable, j'en suis sûr. On va aussi entendre plein d'autres choses. The Nuclear, The Banjo Consortium, The Monster Show. Tout ça d'ici la fin de cette émission du poste d'écoute. Mais on commence avec un autre de nos célèbres méga-blocs. Cette semaine, c'est la formation locale Mimi Van Der Glo. Ils ont fait leur lancement très, très récemment ici à Trois-Rivières, à l'Embuscade. On va entendre les 6 premières pièces de leur nouvel album Radar avec un W. On commence avec 4 pattes tout de suite dans le poste d'écoute au 89.fm. C'est fou! La radio, une paire de jeans à des sous-vêtements dentelles, comme si notre linge s'était enlevé tout seul. Face à face, tout nu dans le salon, à quatre pattes, baby, on ouvre la saison. Poste d'écoute. Je baiser, non, c'est pas ma tête qui pense. Et comme on dit, quand on sent mal, c'est bien le fun, mais demain je travaille. Ferme la porte en sortant. C'est fou dans vos oreilles. 89.1 sur le net ou c'estfou.ca. Et Père de Terre, assez fou 89.1 FM. Avant ça, c'était Demain je travaille. On a débuté avec 4 pattes. C'est la première partie de Mega Bloc sur Mimi Van Der Glo cette semaine dans le poste d'écoute. Ils ont enfin sorti leur album complet, produit complètement. Et puis, belle petite pochette comme ça. C'est très très beau. Ça va jouer beaucoup. Assez fou parce que c'est un groupe qu'on adore encourager depuis toujours. Mimi Van Der Glo. Allons voir leur MySpace. Qu'est-ce que ça dit à leur sujet? Ces 4 rock'n'rollers de la rive sud en exode dans la ville de Trois-Rivières s'affairent à enflammer le ciel du Québec avec des paroles de béton et des riffs de feu. Mimi prépare actuellement son premier opus, bon blabla, qui sera disponible sous peu, on l'a ici. Attendez-vous à voir un feu d'artifice de guitare. Richard Godette au tambour, David Godette à la guitare, Carl Hébert à la voix et la guitare et Canyon Pascal à la basse. Influence Kiss, Sabbath, Motorhead, Corbeau, Rolling Stones, Francoeur, Voivode et plusieurs autres. Alors c'était au mimivanderglo.com ou encore myspace.com/mimivanderglo. Et sur leur MySpace, il y a plein de pièces à écouter, dont... quelques succès des palmarès de ces fous, là, Polaroid, entre autres, et là-dessus, Soleil de la Rive-Sud, on a tout fait jouer ça dans nos palmarès. Disons que Mimi Van Der Vloo est assez important pour ces fous. Voilà. Ils étaient en lancement cette semaine à l'Embuscade, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est dit. Mimi Van Der Vloo et leur album s'appelle Hardor. On va y aller avec un deuxième bloc, la deuxième partie de notre méga bloc sur Mimi Van Der Vloo. On va entendre Karting Chrétien et Québec Canada, mais on commence avec Tu sais, c'est tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1 FM. I'm looking. Vanderlo et Karting Chrétien de leur nouvel album Radon dans le poste d'écoute de C'est Fou. Avant ça, c'était Québec-Canada. On va faire ça toute la journée. Avant ça, c'était Tu sais. Y a-t-il un autre? Non. Vous êtes dans le poste d'écoute de C'est fou, donc on découvre les nouveautés musicales et on vient de passer une vingtaine de minutes avec le nouvel album Rador de Mimi Van Der Glow. C'était vraiment très très bon. J'ai entendu dire à travers les branches ou les pattes qu'une certaine pièce, mettons, je dis ça au hasard, quatre pattes, pourrait se retrouver dans les palmarès à partir de cette semaine. Bonne nouvelle pour Mimi Van Der Glow, groupe local, groupe de Trois-Rivières, de la Rive-Sud, avec des gens très très sympathiques. Vraiment excellent, Mimi Van Der Glow. On passe du côté anglophone pour l'entendre à la formation de Monster Show. Ils nous envoient leur album And In Our Final Days As Archipelago. Hein? On va l'entendre trois pièces. Il y a When the Sky Would Be Full and Dark, How to Bicycle Home from Downtown Slightly Drunk While Carrying Three Used LPs. On va débuter ça avec Winnipeg and Fargo. Hein? Il y en a des noms de pièces compliquées, les autres. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Dakota, have given up and sent all their sandbags to Winnipeg. Send bandages back to staunch the flow. Sent all their sandbags to Winnipeg. Le poste d'écoute. Drop your left hand, son of a Tell us time. faut que je revienne en nom, c'est même. Hey, c'est le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble et on aime ça, se parler. On aime le dialogue, la communication, communication 101. On vient d'entendre la formation Monster Show. On a entendu les trois premières pièces de leur album, When the Sky Would Be Full and Dark. Avant ça, c'était How to Bicycle Home from Downtown, Slightly Drunk While Carrying the Three Used LPs. On a débuté avec Winnipeg and Fargo, tous des noms de pièces assez compliqués. The Monster Show, c'était pas mauvais, pas mon genre de musique, ben, mais quand même. In Our Final Days as Archipelago était le nom de leur album. Allez voir le myspace.com/Monster Show Music. Pour plus d'informations sur eux et pour entendre certaines de leurs pièces, The Monster Show, assez fou. On retourne du côté francophone pour aller entendre une formation qui m'intrigue par les membres de cette formation. En tout cas, une des membres, vous la connaissez peut-être, elle joue dans Virginie, elle jouait à Réalité, à Vrac TV. Je l'aime bien, Geneviève Néron, je crois son nom. Bref, le groupe, c'est Madame Moustache et leur album s'appelle Au nom du country. On vient toujours de le recevoir, c'est pas ce qu'il y a de plus nouveau. Il y a une pièce qui joue assez fou depuis toujours qui s'appelle Johnny Baguette. Tellement qu'elle roule que je suis un petit peu tanné de l'entendre, donc on va pas passer celle-là. On va jouer les trois premières de l'album comme on le fait toujours dans le poste d'écoute. Il va y avoir Chambre des Dins et des speakers, mais on commence avec le reel de Madame Moustache dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. C'est fou ça! Les yeux sont doux, les nuits sont chaudes et l'amour fou. Et tout, partout, il est charmant. aux aurores, lorsque les bouteilles seront vides et les cendriers pleins, partez. Si un frisson vous parcourt les chines, c'est que votre chance a tourné. Elle est maintenant parmi nous, Madame Moustache. Le poste d'écoute. Dans le chambre d'Éden, on s'est collé sur un biscuit, une carotte, et juste j'ai vu tes beaux grands yeux. Ma mère m'a dit, y'a un petit gars qui déménageait dans le rang 2. On s'est croisés sur le chemin de terre, assis sur ta bicyclette. Tu m'as dit, embarque en arrière, ma belle, on va flyer comme un corvette. Chandelier d'Inde à vache se remet d'une petite pluie. Mon père écoute du Johnny Cash, une grosse bière sa galerie. Les yeux fermés, moi je pense à toi, un beau film sous les paupières. Le cœur en feu, je voudrais ajouter une page à notre histoire. Dans Chandelier d'Inde, on s'est aimé, on a couru en pied rangé jusqu'au pied moins dans Chandelier d'Inde. Dans Chandelier d'Inde, on s'est collé sur un vieux sleeping carotté jusqu'au pied moins dans Chandelier d'Inde. C'est toi qui m'aimes, dans Chambre d'Inde. Madame Moustache et la pièce Chambre d'Inde. C'est fou, 89.1 dans le poste d'écoute. Avant ça, c'était Speaker, on a débuté avec le Real de Madame Moustache. Oui, Madame Moustache, un nouvel album qui s'appelle Au nom du country. En fait, je crois que c'est pas si nouveau que ça, là, parce qu'on entend Julie Baguette sur nos ondes ici à C'est fou depuis quand même assez longtemps. Et bref, on l'a reçu cette semaine à C'est fou. C'est évidemment du country rock bluegrass, groupe de Montréal, avec Geneviève Néron, que vous connaissez peut-être, à la voix et la basse, Julie Ross à la voix et la guitare acoustique, Mathieu Vigneault à la guitare électrique, Guillaume Duchesneau au violon et Benji Vigneault à la batterie. Influence Johnny Cash, Wanda Jackson, Melanie Mendel, Emmylou Harris, Dolly Parton, un paquet d'autres gens comme ça. Ils sont en spectacle, en grosse tournée en ce moment. Ils passent par Blainville, Sherbrooke, Montréal, Sorel, Sainte-Thérèse, Lévis, Joliette, Lamèque, Trois-Pistoles, Chicoutimi, mais pas à Trois-Rivières, malheureusement, en tout cas pas pour l'instant. Allez voir les dates de spectacle et plus d'informations sur le groupe au myspace.com/Madame Moustache Band. Ou encore sur leur leur site web, madamemoustache.com. Et non pas www.leursiteweb.madamemoustache.com, c'est un peu trop long comme adresse. Vous êtes dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Oui. Et on passe du côté anglophone pour terminer cette première heure. On va l'entendre la formation de Perms avec leur nouvel album Keeps You Up When You're Down. D'ailleurs, j'étais sur leur MySpace. Là, ça dit que c'est un groupe de Winnipeg au Manitoba, un groupe de power pop indie rock. Allez voir myspace.com/theperms ou encore theperms.com. Les liens sont toujours sur le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus aussi la balado diffusion de l'émission à chaque semaine. Donc, comme je disais, on va se quitter avec la pièce Give Me All Your Lovin' de leur album Keeps You Up When You're Down. Et les auditeurs du samedi et du mercredi, donc qui écoutent en rediffusion, vous avez toujours 20 minutes de contenu additionnel. Vous allez entendre d'autres pièces de The Perms. Restez avec nous, c'est le poste d'écoute. poste d'écoute. Just Post-écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble, vous et moi et les autres, peut-être, qui sait. Dans cette deuxième heure, il va y avoir la musique en francophone de Marie-Pierre Arthur. On va aussi entendre le nouveau simple de la formation Elephantine. Ça devrait être très bon, c'est Libérer le génie. On va aussi entendre des remixes de The Banjo Consortium par Minimetric et Owen Sujet. Et on commence avec l'album de Carl-Éric Hudon qui s'appelle Contre le tien, Anana Bungalow. Très accrocheur, j'adore ce nom d'album. Contre le tien, Anana Bungalow. Il va y avoir les belles choses comme pièce et Papa de Pa. On commence avec tous les hélicoptères. C'est fou 89.1. C'est fou la radio autrement. Tous les hélicoptères, les ambulances aussi, feront trembler la terre. Ce sera trop tard. On ira prendre un verre, danser toute la nuit pour faire trembler la terre sous le poids de nos corps. Mets trop vite le capot de la voiture de l'idiot, aura frôlé tes hanches et puis dans les plates-bandes je te retrouverai, les yeux peut-être toujours ouverts, mais tu diras plus rien, ta bouche sera pleine de tort. Toi t'es morte aujourd'hui, moi je suis toujours en vie. Toi t'es morte aujourd'hui, moi je suis toujours en vie. Demain, ensemble, on ira au concert. Le groupe jouera encore la pièce que tu préfères. Les yeux fermés et les doigts enlacés aussi. On chantera à en oublier l'air. Toi, t'es morte aujourd'hui. Je suis toujours en vie. Toi t'es morte aujourd'hui. Moi je suis toujours en vie. En vie. Les ambulances aussi feront trembler la terre. Ce sera trop tard. Le boss faisais. C'était les tiens, maintenant ils brillent partout. Le nouvel album de Carl Eric Hudon s'appelle Contre le tien, Anana Bongo Love. Dans le poste d'écoute au 89.fm, on a entendu les pièces Tous les hélicoptères, papadapa. Et ça, c'était Les Belles Choses. Ce sont donc les trois premières pièces. Carl Eric Hudon fait du folk rock. Il vient de Montréal, au Québec. Allez voir le carlericudon.ca ou encore myspace.com/carlericudon. Tout ça, évidemment, sans trait d'union, sans accent, sans grand chose, finalement. Ah, il est en session live à CISM jeudi le 15 janvier. Vous pouvez aller télécharger ça sur le site de CISM. Voilà donc pour Carl Eric Hudon. C'est un style. C'est bien, c'est bien. On continue avec la formation canadienne de Banjo Consortium. Ils nous ont envoyé l'album Remixed One. Et donc, c'est des artistes qui remixent des pièces de Banjo Consortium. On parle d'artistes tels que Steven Beaupré, Akido, Frivolous, Feek, Vitamins for You, Apgiu. Le Quentin et Out the Sky et avec Color Cassette. On va entendre les deux premières de l'album. La deuxième va être remixée par Millimetric. Elle s'appelle Unknown. On commence avec Owen Sujet. Voici Green Color de The Banjo Consortium dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM. C'est la radio Campus de Trois-Rivières. www.cfou.ca. We'll be right back. neige qui craque sous vos pas. C'est fou. Feek avec un remix d'une pièce de Banjo Consortium. Elle s'appelle Grizzly. Ça vient de l'album A Remixed One de Banjo Consortium dans le poste d'écoute au 89 FM. Banjo Consortium, c'est un groupe d'électronica expérimental folk de Sherbrooke. Il va être en spectacle le 21 mars à 21h au Cercle de Québec. Allez voir thebanjoconsortium.com ou encore myspace.com/thebanjoconsortium. Si on parle un petit peu des membres du groupe, en fait, le fondateur, c'est le multi-instrumentiste Jacques-Philippe Lemieux Leblanc. Projet qui a débuté au cours de l'hiver 2005 à Sherbrooke. Il y a plein de gens qui se sont joints à ça. Ça dit qu'ils ont eu deux albums avant celui-là. À l'automne 2008, c'est là que sortait A Remixed One. On vient de le recevoir ici, assez fou. 10 artistes et groupes, dont plusieurs noms de l'électronique, Akido, Millimetric, Feek, Apidjou, Vitamins for You, ont repris et agencé les musiques du Banjo Consortium. En parallèle, le groupe poursuit sa lancée et prépare un deuxième album attendu pour le printemps de 2009. Voilà donc. Y a les autres membres, disons-le, pour les spectacles, Gabriel Mieux-Maillé, Vincent Vachon et Charles-Antoine Gosselin. Multiples noms composés dans cette formation de Banjo Consortium. L'album s'appelle A Remixed One. On passe du côté francophone pour pas mal le reste de cette deuxième heure. On va commencer avec un simple de la formation Elephantine. Elephantine qui a été sur nos palmarès pendant pas mal de temps. On aime beaucoup cette formation-là. Et tout de suite, voici leur nouvelle pièce, Libérer le génie, dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou! Un corridor peuplé d'un bout à l'autre de faux espoirs. Il ne reste plus qu'à attendre l'audience. Je sers mon coup et j'ai tort d'abandonner le peu qu'il me reste. Vous le verrez bien. Éléphantine est libérée, le génie dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.fm. Éléphantine, formation montréalaise. Ils nous ont envoyé seulement cette pièce-là. On avait déjà reçu leur maxi il y a quelques mois de cela. Je crois que deux pièces de leur maxi qui se sont retrouvées sur nos palmarès. Donc, on adore la formation Éléphantine. C'est du alternatif au rock ambiant qui se trouve au myspace.com/éléphantinemusic ou encore éléphantine.ca. Les membres sont Max à la voix et la rhythm guitar, André à la lead guitar, Pete à la batterie et Julien à la basse. Puisant ses influences dans le rock alternatif, le post-rock et l'électropop, la musique d'Éléphantine surprend par ses atmosphères dynamiques et ses rythmes envoûtants et accrocheurs. C'est partout. Voilà donc, c'est ce que eux-mêmes, le groupe, dit sur son MySpace. On reste du côté francophone jusqu'à la fin de la deuxième heure pour l'entendre Marie-Pierre Arthur. Elle nous a envoyé son album qui s'appelle aussi Marie-Pierre Arthur, original quand même. On va l'entendre les premières pièces de l'album comme toujours, comme dans un poste d'écoute. Il va y avoir Droit devant et Elle, mais on commence avec Déposer les armes. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute. Ah, c'est fou, 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. que le silence. Toutes les peines et les silences. Pardonne toutes les parts. Marie-Pierre Arthur et la pièce Droit devant, précédée de Elle et de Déposer les armes, c'est son album qui s'appelle aussi Marie-Pierre Arthur, ici dans le poste d'écoute. Avant de parler de Marie-Pierre Arthur et avant que je l'oublie, avant que vous l'oubliez, parce que c'était il y a quand même une dizaine de minutes, Éléphantine, on a entendu une pièce 2. Ils sont en train de travailler sur leur album complet qui va sortir le 5 mai 2009. C'était juste la petite chose que je voulais ajouter. Allez voir leur MySpace au myspace.com/Éléphantine Music. Bon, donc Marie-Pierre Arthur qu'on vient d'entendre, elle fait du folk rock pop. Elle vient de Montréal. Et puis, elle va être en spectacle au Lion d'Or pour son lancement. Ça, c'est à Montréal le 3 mars à 17h. Elle va être le 8 mars à 20h au cabaret du Vieux-Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son site web est au Marie-Pierre, Pierre, R-R-E, Arthur.com. Son MySpace est au myspace.com/Marie-Pierre. Pierre Arthur, c'est ce qu'il y a de plus facile à retenir. Après avoir rejoint les rangs de plusieurs artistes en tant que bassiste, notamment avec Ariane Moffat, Mara Tremblay, Stéphie Choc et Michel Faubert, Marie-Pierre Arthur présente son tout premier album à apparaître le 24 février, c'est fait, sur Bon Sound. C'est sur une folie féminine et poétique que les chansons de Marie-Pierre Arthur, qui se définit comme une musicienne aux racines folk, se dessinent de façon rythmée et douce à la fois. Les différentes intonations de sa voix aérienne et touchante s'accrochent aux mélodies des instruments qui l'entourent, piano, guitare acoustique, aiguine, violon, percussion et chœur vocal, pour créer un folk empreint de résonance country originale et actuelle. Voilà, c'est ce que dit son texte sur son MySpace. Comme je l'ai dit, ben, on reste dans le francophone pour le reste de cette deuxième heure du poste d'écoute. On s'en va entendre la formation Les Cheapettes. Hein, c'est beau ça, Les Cheapettes. Pourquoi pas. Leur maxi de 6 pièces qu'ils nous ont envoyé s'appelle De la musique cheap, point d'interrogation. C'est apparemment de l'alternative hip-hop comédie. Donc on devrait rire un peu, je l'espère, avec Les Cheapettes. On commence avec la première pièce de leur maxi. J'ai aucune idée parce que les pièces ne sont pas écrites sur le disque, mais on va y aller par ordre de leur MySpace. D'habitude, c'est à peu près fidèle. Voici Calendrier. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales ensemble. Vous, moi, tout le reste de la planète. Sur le www.cifou.ca et sur CIFOU 89 FM à Trois-Rivières. Dans le fond du salon, il y a un mur. Jaune citron éclairé, au néon une télé. Allumer les curieux, en passant jette un œil. Furtivement sont gênés, prendre leur temps et de l'air. Examiner une vitrine, sans enseigne sur la rue. Saint-Laurent et une vie quotidienne exhibée aux passants. Exhibitionniste de la vie. la vie quotidienne. Le poste d'écoute. Faudrait pas déconner la photo arrogante Caprice se pompait au-dessus de ma semaine Bouquet d'activités téléguidées, je traîne Les bras comme un primate, je suis plutôt relax Pour un putain d'insomniac intoxiqué, je crois À trouver des idées et empiéter sur le temps Consacré à pioter, j'en bois des milliers de litres Des boissons d'énergie, les petits yeux en vitre S'excitent dans leur orbite, je brûle mon corps si vite Ils suivent mon esprit qui s'écroulerait, rien de mort Plutôt que de ralentir, je rattraperai le retard De sommeil plus tard sur les banquettes du métro Devenu mon dortoir avec des lunettes noires Je cache ma maladie, hyperactif bondis, moi j'appelle ça la vie J'ai la date qui me sonne, le lundi qui cogne J'ai le jour dans mon cœur, le mardi de bonheur J'ai le midi dans le ventre, le mercredi qui rentre J'ai le soir assoiffé, le jeudi 5 à 7 Et j'ai la nuit entre deux, le vendredi bien heureux Fin de semaine, pas de peine Samedi ci, samedi ça, fin de semaine tu reviendras Dimanche on recommencera Qui me sonne le lundi qui cogne J'ai le jour dans mon cœur, le mardi de bonheur J'ai le midi dans le ventre, le mercredi qui rentre J'ai le soir assoiffé, le jeudi 5 à 7 Et j'ai la nuit entre deux, le vendredi bien heureux Fin de semaine, pas de peine Samedi ci, samedi ça, fin de semaine tu reviendras Dimanche on recommencera Se trompe, je vous compte, remonte il y a 100 ans Travaille dans une usine et fait 12 heures, 6 jours Jusqu'à casser ta pipe paradoxale, voyez L'alcool qui nous endort me donne un second souffle Et je performe encore une rémission, peut-être Combien de temps il me reste pour suivre le but rapide de ma vie de bâton de chèche J'ai la date qui me sonne, le lundi qui cogne J'ai le jour dans mon cœur, le mardi de bonheur J'ai le midi dans le ventre, le mercredi qui rentre J'ai le soir assoiffé, le jeudi 5 à 7 Et j'ai la nuit entre deux, le vendredi bien heureux Fin de semaine, pas de peine Samedi ci, samedi ça, fin de semaine tu reviendras Dimanche, on recommencera Qui me sonne le lundi qui cogne J'ai le jour dans mon cœur, le mardi de bonheur J'ai le midi dans le ventre, le mercredi qui rentre J'ai le soir assoiffé, le jeudi 5 à 7 Et j'ai la nuit entre deux, le vendredi bien heureux Fin de semaine, pas de peine Samedi, samedi, ça, fin de semaine tu reviendras Dimanche, on recommencera Les chipettes et calendriers dans le poste d'écoute. Pas drôle particulièrement, même si ça disait comédie, mais bon, pas mauvais non plus. Chipettes. Le reste des pièges, aucune idée comment ils s'appellent, c'est pas écrit sur le disque, et puis ça a l'air d'être sur l'ordre de leur MySpace, donc vous allez devoir deviner, là, pièce 1, pièce 2 et pièce 3, mais je crois que celle-là, c'est le calendrier, ça serait quand même logique avec les paroles. Les chipettes, allez voir myspace.com/chipettes avec un S, ou chipettes.com. Comment ça a commencé? En 2003, trois amateurs fondent le mouvement Cheap Music afin de légitimer leur amateurisme publiquement. Ils prennent le nom de Cheapette. Qu'est-ce que la musique cheap? Eh bien, c'est comme un jouet du Dollarama, disent-ils. Les gens qui écoutent la musique cheap sont-ils cheap? Non, ils sont cool. Est-ce que la musique cheap est gratuite? Oui, tant qu'elle ne rapporte pas d'argent. Et est-ce que tout le monde peut jouer de la musique cheap? Oui, mais comme un... comment ça? Comme un pour un fakir, ça prend beaucoup de pratique et de la peau dure. D'accord, je comprends pas trop. Les Cheapettes. C'est tout ce qu'il y a à savoir, ça s'appelle les Cheapettes. On va se quitter avec la pièce numéro 3 de l'album. On va avoir un tout petit peu de temps, même pas vraiment, mais les auditeurs des rediffusions du mercredi et du samedi, vous allez avoir d'autres pièces additionnelles parce qu'il y a toujours 20 minutes de plus dans chaque émission. On revient pour une troisième heure avec la formation de Nuclear, Portico et un paquet d'autres affaires. Restez là! chat à moi. Tu étais la chasse à moi, j'étais la proie. C'était très beau, toute cette peau. C'était très beau, c'était trop chaud. Je me suis brûlé la langue sur ta peau. Je me suis brûlé la langue et c'était trop chaud. Je me suis brûlé la langue sur ta peau. Je me suis brûlé la langue et c'était trop chaud. Je t'ai rencontré sur la rue Mentana. T'as vu un Rottweiler, moi un Chihuahua. Des grands lunettes de soleil cachaient ton visage. Imaginez le reste me mettait en nage. C'était très beau, toute cette peau. C'était très beau, c'était trop chaud. Je me suis brûlé la langue sur ta peau. Je me suis brûlé la langue, c'était trop chaud. Je me suis brûlé la langue sur ta peau. Je me suis brûlé la langue, c'était trop chaud. Ta peau. Je me suis brûlé la langue, c'était trop chaud. Oh, je me suis brûlé la langue sur ta peau. Je me suis brûlé la langue, c'était trop chaud. C'était très beau, toute cette peau. C'était très beau, toute cette peau. Ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch. Pour ne pas succomber, le cuisinier et le matelot sont déjà des foufous. Ils ont perdu sommeil, ils sont plus avec nous. Je vous déteste et combien je vous fuis. Vos désirs romanesques vous inspirent l'ennui. Pourtant vous êtes belle, séduisante et charmante. Mais vos lèvres sont sales de toutes vos médisances. Par malheur, je succombe à tous vos maléfices. Quand c'est cher de ma bouche, c'est plus dire calomnie. J'ai le cœur qui se serre et regrette aussitôt. Ce venin de Baudin nous tuera, c'est certain. De leur corps, rosé, quelle couleur d'or. Une belle métaphore, joli plan carnivore. Un chant doux et léger, mais ce n'est pas des anges. Elles savent nous transporter, même si elles n'ont pas de genre. C'est pas des balivernes, je te jure qu'elles existent. Et ce chant de sirène, à travers les récifs. Les paroles d'affection, jugées à l'oreille, sont à leur attention. Sommes-nous des poissons, crachez vite ce verre. En attendant que j'appelle, j'ai besoin de conseils. Tu sens trop petit poison, je voudrais qu'on écarte l'idée de rébellion. Nous perdons tous la carte sur ce maudit galion. Restons bien sur nos gardes. S'intensifie. vraie, mais les faux anges existent. Le plus beau des anges, la vie est maléfique. C'est pas une histoire vraie, mais les faux anges existent. Les faux anges. Les faux anges. Le pistolet, je te l'exemple. C'est pas des balivernes, je te jure qu'elles existent. Continue mon exemple. Et ce chant des sirènes à travers les récifs. Je te donne des exemples. Inutile de gémir car nous sommes prémunis. Je vis mon exemple. Contre la mutinerie, nous resterons amis. Bonjour, c'est la troisième heure du poste d'écoute. Cette troisième heure est de poste en poste. Donc, j'aime ça faire ça. On passe d'un album à l'autre. C'est comme un genre de blitz, là. Je suis un petit peu plus sévère. Tu sais, je me dis, ça, j'aime un petit peu moins ça. Ou ça, ça passe. Puis, il faut absolument que j'en mette d'autres. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant cette troisième heure de poste en poste dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. Si tout rentre, il devrait y avoir Scarlet Sins, United Truth, Portico. On commence avec The Nuclear. Leur album s'appelle aussi The Nuclear. Ça commence avec la pièce Abducted by a UFO Part 1 et on verra après ce qui se passe. C'est le poste d'écoute de poste en poste. Assez fou 89.fm. Everybody, welcome to the show. I thought I might like to tell you, thought you might like to know. Let me tell you that everywhere I go, they've been abducted by a UFO. I was up getting ready for the show. Kitchen, fixing a drink. A man comes to the door, ringing my ding-a-ling. I wake up to my nobody's at home. They've been abducted by UFO. Le poste d'écoute. De poste en poste. Inside of your mind. Nuclear Stations, précédé de Abducted by a UFO Part 1. C'est dans le poste d'écoute de Poste en Poste, j'aimais ça de Nuclear, mais t'sais, je ne capotais pas. Et le but de la troisième heure Poste en Poste, il faut que j'aime bien gros ça pour en passer une troisième pièce. C'est un petit peu plus sévère. Donc, si vous voulez plus d'informations sur The Nuclear, allez voir thenuclear.com. C'est l'adresse à visiter. Maintenant, on passe à un autre groupe canadien qui s'appelle Portico. Hein, Portico. Je trouve ça moyen comme nom d'album, mais bon, on va pas juger un album par son nom de groupe. Le nom de l'album, lui, est First Neighbors, avec l'épellation canadienne, là, le OU. Hein. Là-dedans, il y a Lynn Heineman, Mimi Mahavlik et Greg Murray. Ils sont au myspace.com/PorticoNation ou PorticoNation.com. Allons entendre pour commencer la première pièce de Battle of Duck Lake. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières et là on fait de poste en poste. Comme une abeille, buzz, buzz, buzz. Our skin so like the corn. Portico est la pièce de leur album First Neighbors. Avant ça, c'était The Battle of Duck Lake, toujours par Portico. Ça vient de leur album, donc First Neighbors. Hein? Je me répète, j'aime bien ça. Portico Nation, c'est leur MySpace. Donc myspace.com avec Portico Nation ou encore porticonation.com. C'est un groupe de Vancouver en Colombie-Britannique qui fait de l'acoustique rock two-step. D'accord, ça c'est selon leur MySpace. Mm-hmm. Avant ça, je dois en parler parce que je n'ai pas parlé tantôt de Nuclear. Non, c'est vrai, ils viennent de Moncton au Nouveau-Brunswick. On avait entendu deux pièces de leur album The Nuclear. Et allez voir thenuclear.com. Mm-hmm. On est dans la troisième heure de Poste en Poste, donc on passe d'un album à l'autre. Aussitôt que, tu sais, on atteint deux pièces, c'est seulement si j'adore ça qu'on en passe d'autres. Sinon, c'est juste deux pièces, on doit passer vite à travers plusieurs albums parce qu'on en reçoit beaucoup trop à chaque semaine. United True, c'est le nom de la prochaine formation qu'on s'en va entendre. On va entendre les premières pièces, au moins les deux premières. Tantôt, il va y avoir All I Am, on commence avec Hey You, tout de suite. Et vous, écoutez ça, c'est le Poste d'écoute. Dreaming on a cloud. Maybe you are better wake up and start again. Hey you, riding the cherry of gold, as if you could be so cold. Where you find a little start, been bought or sold. While the gears keep spinning around, United Truth avec Hey You. Je suis pas sûr de celui-là, mais tu sais, même si on est de poste en poste et que je dois passer d'un album à l'autre, je reste Mathieu Plante. Je suis pas capable de pas donner une deuxième chance, tu sais. Le poste d'écoute. De poste en poste. Each and every dawn, it's their cloudy affair, whether you can see it or not. Baby, the sun shines each and every night. It's there, though you bear witness to the moonlight. And all I am is what I am. Do you see me being out of sight? Fires from each and every one. Well, if you dare to become aware, your dawn is what you'll become. And all I am is what I am. Are you blindly searching for the sun? We'll be right back. de Truth dans le poste d'écoute avec la pièce All I Am. Avant ça, c'était Hey You. C'est les deux premières pièces de leur album United Truth, groupe canadien, ici dans le poste d'écoute. Parlons un petit peu d'eux autres parce qu'ils ont un site web absolument affreusement laid. UnitedTruth.com, un des pires sites que j'ai vu, mais c'est pas grave, c'est pas important. C'est juste vraiment dégueulasse pour un webmaster comme moi. Et UnitedTruth.com, voilà. Et puis, c'est pas, pas tant plus d'informations que ça sur leur site. Alors, les boutons marchent pas, donc j'ai un petit peu de difficulté à me déplacer dedans. UnitedTruth. Moi, en tout cas, j'aime ça, mais pas plus qu'il faut, donc je vais passer à un autre album. C'est ce qu'on fait quand on fait une troisième heure de poste en poste. Le prochain groupe s'appelle Scarlet Sins. Leur album s'appelle aussi Scarlet Sins. Drôle de logo, vous irez le voir. Vous me direz à quoi ça vous fait penser, là. C'est quatre filles sur le dos de l'album, en noir et blanc, qui se tiennent la ceinture ou les poches. Tout de suite, voici la pièce Let Go. Assez fou, 89.5. Waste away. Restez là, au retour, il y a plus de Scarlet Sins et on découvre le nouvel album de Julie Doiron dans le poste d'écoute de Poste en Poste au 89.1 FM, c'est fou. De poste en poste. I won't let you drown, I won't let you down, I won't let you hit the ground. I won't let you drown, I won't let you hit the ground. De Scarlet Sins, précédé de la pièce Let Go, c'est leur nouvel album Scarlet Sins, ici dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Scarlet Sins est un groupe de rock progressif metal de Toronto en Ontario. Il va être en spectacle demain samedi le 28 février au TNT Rock de Montréal, ça c'est à 20h. Ce soir ils sont à Ottawa en Ontario le vendredi 27. Sinon ils font un tour de l'Ontario pas mal et de l'Australie ensuite. Scarlet Sins Online et leur site web myspace.com/scarletsins. Pour en savoir plus sur Sylvia, à la voix, Christina, à la guitare et la voix, Tania, à la basse et la voix, et Ellie, à la batterie. Influence A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Metallica, Tool, Black Sabbath, Alice in Chains et plusieurs autres, c'est du rock. Moi, c'est un petit peu moins mon genre, le progressive metal, comme ça, je dirais pas tant que ça, mais bon, quand même. On est dans l'heure poste en poste, donc on passe à un autre. On va pas mal terminer l'émission avec Julie Doiron, j'ai bien l'impression. Son nouvel album s'appelle I Can Wonder What You Did With Your Day. Et on va entendre tout de suite la pièce The Life of Dreams dans le poste d'écoute de Poste en Poste. Au 89 FM, c'est fou ça! that you would steal my wallet and you would laugh and you'd say, no, I wouldn't. We could spend Fill Your Lungs de Julie Doiron, c'est son album I Can Wonder What You Did With Your Day dans le poste d'écoute de Julie Doiron qui se dit folk rock comedy indie. D'accord. Elle est canadienne, ça dit pas sa ville sur son MySpace, au myspace.com/JulieDoiron, juliedoiron.com aussi. Et puis là, elle est en Colombie-Britannique au début du mois de mars, en fait à la mi-mars. Elle va être à Montréal le 28 mars à 21h au Il Matore. Et à Sherbrooke, plus tard dans le mois d'avril, elle va aussi être à Wakefield. Allez voir son site web pour plus d'informations. Elle était dans Eric Strip dans les années 1990. Voilà, maintenant, ben, elle est solo. Son nouvel album sort le 10 mars 2009. C'est déjà la fin du poste d'écoute pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, vendredi à 10h, samedi à midi et mercredi à 13h. Mais je dois quand même couronner mon poste d'or une fois par année au moins. Hein? À la radio, au moins. Sur le site web, c'est quand même là, mais bon. C'est Mimi Van Der Glo, évidemment. On a fait un méga bloc avec eux. C'est super bon. Ils font mimivanderglo.com et leur site web. Allez voir lunechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui et de l'émission de chaque semaine. Et téléchargez donc la balado diffusion tant qu'à être là. C'est Rock Classique qui suit avec Alain Lefebvre les vendredis. Passez une super belle semaine et on se quitte avec une autre pièce de Julie Doiron. Elle s'appelle Lovers of the World. Bonne semaine. Bye bye. Like he was dead. It's always nice to come home after getting lots done. I slip off my boots, take off all my coats, and go right into my room. I turn on my little lamp and finally sit down and pick up my guitar and give it some strums. And I think of you in New Brunswick. I think of you in your little house. I think of you in New Brunswick. I think of you and your comfy bed. I can wonder what you did with your day. I'd like to tell you about mine, but I'll wait. You probably played guitar too, I'm sure, 'cause I know you always do. And round now you're making supper after your day is through. You may even be in your lazy boy chair, and soon I will be there too. Now I think of you in New Brunswick. I think of you in your little house. I think of you in New Brunswick. I think of you and your comfy bed.